Pour ceux qui étaient courageux, la semaine dernière, Robin nous avait parlé des nœuds et de leurs implications mathématiques et tout ce qu'on pouvait dire mathématiquement, mais on ne comprenait pas très bien à quoi ça pouvait servir de se prendre autant la tête sur ce sujet-là. Bah, c'est une bonne semaine, cette semaine, il nous parle des applications et à quoi ça a pu servir dans l'historique et un peu un historique de la théorie des nœuds. Nous sommes le 8 décembre 2015 et c'est l'épisode 241. Bienvenue! Salut à tous, nous sommes toujours dans un tour de table, nous sommes dans un tour de table merveilleux avec Billy en direct de la Belgique sans panneau. Salut Billy. Salut. Irène en direct des États-Unis avec panneau, je crois. Salut Irène. Oui, je suis toujours là. Johan en direct des États-Unis avec des panneaux parfois troués peut-être dans ta région. Plus maintenant, ça s'est calmé. Bonsoir. Salut Johan, Robin en direct de Paris et moi-même en direct de Paris aussi. Salut Robin. Salut. Et LJJ qui est un peu fatigué à cette heure tardive nous dit que 241 c'est un nombre premier. Je crois que c'est la propriété la plus pourrie qui est donnée à LJJ. Mais Brownian donne quand même aussi une propriété très sympa, c'est que c'est un nombre. C'est un nombre, c'est vrai. Merci. Merci les gars. Super. Bon, bah, au sommaire de l'émission de ce soir, tout de suite, bah, le dossier de Robin, la deuxième partie, sur à quoi que ça peut bien servir de travailler mathématiquement sur les nœuds. Une côte, parce que Robin, tu nous as préparé une côte, comme d'habitude. Évidemment, bien sûr. Le quiz, éventuellement un plug, et puis ce sera tout. Robin, c'est à toi. Merci. Alors en fait, ce qui m'a aiguillé sur la théorie des nœuds à la base, bon déjà c'est quelque chose, je savais que c'était rigolo, enfin rigolo quand on a une ficelle sous la main, beaucoup plus que sans ficelle sous la main, c'est pour ça que c'était un peu compliqué de le faire sous forme d'audio, mais voilà, il y a plein de choses assez marrantes à faire, il y a plein de choses vraiment intéressantes, il y a des connexions inattendues, donc ça c'est vraiment sympa, mais il y a aussi une chose que j'ai appris très vite et qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, c'est que c'est une superbe histoire de ratage, comme je les aime. Donc je vais commencer par cette histoire-là, parce qu'en fait les premiers à s'être intéressés aux nœuds, bon il y a d'autres personnes qui s'y sont un petit peu intéressées avant, mais le vrai coup d'envoi de l'étude des nœuds, ça n'a pas été des mathématiciens, ça a été des physiciens. Alors j'essaie de vous expliquer pourquoi. Ouh. Attention, je me lance dans la physique. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, au 19e donc, je vais vous le faire vraiment très, très, à très grand trait, parce que, et j'espère vraiment ne pas raconter de bêtises, mais en principe, ça va, normalement, je ne raconte pas de bêtises, mais n'hésitez pas à me reprendre, pour ceux qui connaissent mieux la physique que moi, si jamais je dis une bêtise. Au 19e siècle, on a compris, en gros, qu'il y avait des éléments de matière qui pouvaient changer d'aspect, changer de forme, mais qu'on ne pouvait pas changer un élément dans un autre. On commençait à comprendre ces choses-là, que l'alchimiste est bien gentil, mais le plomb en or, on n'y arriverait pas, tout ça. Qu'il y avait des choses qui pouvaient s'assembler et se désassembler. Et justement, ces éléments-là ne pouvaient pas se métamorphoser de l'un à l'autre, mais pouvaient s'assembler à d'autres pour donner un nouvel aspect. Et on pouvait après les désassembler. Donc on voyait ça. Après, on ne savait absolument pas à quoi ressemblaient ces choses-là, que donc, nous, maintenant, on appelle des atomes, qui peuvent s'assembler en molécules. Et donc voilà, c'était un peu une question, c'était pas évident du tout de savoir à quoi devaient ressembler ces choses-là. Or, en 1858, vous voyez que j'ai bossé, j'ai même quand même récupéré des dates, Helmholtz, un physicien, sauf erreur, hein, quand même, la bobine de Helmholtz, tout ça, quoi, démontre un résultat. Alors, j'essaye de vous le donner de la façon la plus simple possible, c'est pas complètement gagné, j'aurais dû l'écrire. En gros, ce qu'il dit, c'est il part des équations de Euler qui décrivent le mouvement d'un fluide. Donc on a de l'air, de l'eau, quelque chose comme ça, un fluide. Mais les équations de Euler, on sait qu'elles ne sont pas parfaites, notamment le fluide, il ne peut pas se compresser, et puis il n'y a pas de viscosité. Donc bon, bref, c'était pas parfait, mais enfin, c'était pas si mal. Notamment, si on suit les équations de Euler sur les fluides, les oiseaux ne peuvent pas voler, donc c'est quand même un peu gênant. Mais bon, c'était tout ce qu'on avait à l'époque. Et donc, il prend les équations de Euler, et il démontre un résultat intéressant, c'est que si on commence à faire tourner, si on commence à créer un tourbillon, donc en fait on va décrire ça avec des vecteurs, des flèches qui vont dire à chaque endroit de l'espace dans quelle direction va le souffle à cet endroit-là. il peut se créer des vortex, il peut se créer des espèces de tourbillons qui vont en fait entourer des courbes fermées. Donc en gros, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, des nœuds. C'est-à-dire que en fait, ça va se mettre à tourbillonner autour d'une courbe fermée. Alors généralement, si on imagine un tourbillon, on peut bien imaginer quelque chose qui s'enroule autour d'un anneau, quoi, qui s'enroule autour d'un cercle. Et en fait, donc ce cercle-là peut après changer d'aspect. Vous prenez, il peut grossir, il peut éventuellement se déformer un petit peu. Et en fait, ce que démontre Helmholtz, c'est que quand on se place dans le cadre de Euler, des équations d'Euler, et ben en fait, on ne peut pas changer justement le nombre de croisements de cette structure-là. Cette structure-là peut se déformer, mais elle ne peut pas. On peut pas. C'est impossible de passer continuellement d'un cercle à, par exemple, clairement, un nœud de trèfle, le nœud le plus simple de tous, dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. En fait, voilà, ça peut changer de forme, mais ça peut pas s'auto-intersecter, ça peut pas se croiser, ce vortex, ce truc autour, cette forme autour de laquelle le vent tourne, le tourbillon se crée. Et en fait, du coup, en 1867, Kelvin, mon grand pote Kelvin, Lord Kelvin, pardon, qui avait un autre nom avant, William, je sais plus comment, j'oublie à chaque fois. Ouais, en fait, je sais pas. William quelque chose, c'est pas grave. Il dit, ah bah tiens, des trucs qui peuvent changer de forme sans changer fondamentalement de structure. Ouais, c'est William Thomson, ça doit être ça. C'est ça. Merci. William Thomson. Donc, il s'appelait encore comme ça. Il se dit, bah tiens, ça c'est formidable, ça c'est exactement ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si dans l'air qui nous entoure, on peut avoir des choses comme ça qui se mettent à tourner autour de structures qui sont en fait des nœuds, et que c'est impossible de passer continuellement d'un nœud à un autre, de rajouter des croisements, de changer le nombre ou d'en enlever, de changer le nombre de croisements de ces structures autour desquelles il y a ces petits tourbillons, et bien ça pourrait être un super bon modèle pour les atomes. En disant, en plus, il y en a des plus simples que d'autres, des plus compliqués que d'autres, et puis on peut très bien imaginer qu'il y a deux tourbillons comme ça qui se rencontrent et puis qui s'assemblent d'une certaine manière, en formant un entrelac, en formant des nœuds qui sont attachés les uns aux autres, et puis qui peuvent quand même se redétacher. Et puis ça explique aussi que, par exemple, des fois, il faut deux fois plus de l'un que l'autre. Bah ouais, on imagine un nœud avec plusieurs croisements, et puis il y a juste une petite boucle qui doit venir s'attacher. Ben, il peut y en avoir plusieurs qui viennent s'attacher, des choses comme ça. Donc en fait, il se dit, mais c'est une super bonne idée. Voilà, un nœud, c'est un super bon modèle pour décrire les atomes. Alors, on était encore avec la théorie de l'éther à l'époque. Donc, tout l'univers baignait dans, pour les gens de l'époque, baignait dans l'éther, qui était une matière. Alors, c'était tellement avec des propriétés. C'était très compliqué de se représenter un truc, ce truc-là, parce que c'était quelque chose d'absolument impossible à repérer. Ça n'avait pas de masse, ça n'avait pas de viscosité, c'était incompressible. Mais du coup, ça répondait aux équations de l'air. Donc du coup, l'éther répondait aux équations de l'air. Suivant les équations de l'air, un nœud autour duquel il y a des trucs qui tournent ne peut pas se défaire. Donc, les atomes, c'est des nœuds qui sont dans l'éther. Et donc, ça intéressait les physiciens. Et donc, William Thomson, là, Lord Kelvin, s'est mis à vouloir faire de la recherche là-dessus. Et en fait, Tate était un étudiant de Kelvin. Et c'est Kelvin qui l'a lancé sur la recherche des nœuds. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, donc... Tate a passé, a priori, suivant mes sources, un certain temps, mais a priori, apparemment 30 ans, à essayer de déterminer quelles pouvaient être toutes les formes de nœuds les plus simples, enfin en commençant par les plus simples. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal comme idée, parce qu'on voit bien qu'un nœud, ça peut énormément changer d'aspect, donc la matière peut énormément changer d'aspect, sans changer de nature, que ça peut s'assembler et se désassembler. Je vous ai dit en plus la semaine dernière, je vous ai dit que deux nœuds, même si on les met bout à bout, ils ne se mélangent pas bien, on peut toujours les re-séparer. Les nœuds premiers, quand on les met bout à bout, ça peut donner un nouveau nœud, mais en fait, ils se re-sépareront toujours. Donc que ça soit sous forme d'entrelacs, c'est-à-dire, il reste deux ficelles, mais elles s'attachent l'une à l'autre, ou sous forme de deux nœuds qui viennent se mettre l'un à la suite de l'autre, on voit bien qu'on peut avoir des associations qui ne changent pas structurellement le truc, on peut récupérer les deux morceaux après. Donc ça correspond complètement à l'image qu'on se fait des réactions chimiques. Donc en fait, quand Tate fait la liste de tous les nœuds, il essaye en fait de faire un tableau des éléments, quoi. Il essaye de faire le boulot de Mendeleïev, tout ça, il essaye de repérer l'hydrogène, l'hélium, etc., etc. Et donc pour lui, les nœuds, c'est potentiellement l'hydrogène, l'hélium, le carbone, etc., etc. Et là-dessus, ça n'a pas donné grand-chose. Enfin, l'étude des nœuds, ça n'a pas vraiment apporté. Bah, le truc, c'est que le modèle ne fonctionnait absolument pas. Mais il ne pouvait pas le savoir. D'accord, mais on était en 1860, et donc on ne savait absolument pas à quoi ressemblait un atome. Okay. Donc en fait, pendant quelques années, il y a énormément de physiciens qui ont cru en cette idée, en ce modèle. Et donc Tate, s'il a bossé tout ce temps dessus, c'est parce qu'il pensait faire de la physique, il pensait trouver un bon modèle pour faire de la physique. Alors évidemment, c'est peut-être pas la peine que j'insiste sur le fait que c'était un ratage, parce que clairement, c'est pas la théorie qui a été retenue. Déjà parce que on a fini par se rendre compte que l'éther, ben, ça n'existait pas. Donc ça, on pourrait faire un épisode ratage dessus, mais je me sens vraiment pas de le faire parce que c'est quand même vraiment de la physique pas évidente du tout. Mais je laisse quelqu'un qui se sentirait plus légitime là-dessus essayer de le faire. Mais voilà, l'éther finalement n'existe pas. On a découvert l'électron. Je sais plus en quelle année, j'avais noté 1897. On trouve l'existence de l'électron. Donc 1897, mais vous voyez que 1897, ils ont commencé à avoir ces idées-là, Thomson, en 1867. Donc c'est 30 ans après. Donc Tate a très bien pu chercher 30 ans la table des nœuds avant de se rendre compte que finalement ça servirait jamais à rien en physique, quoi. C'est rude. Donc voilà, en fait, pourquoi la théorie des nœuds a vraiment pris son essor. Et donc à la base, c'était vraiment des physiciens qui ont fait ces études-là. Tate était un physicien. Et la théorie était belle et elle aurait pu fonctionner, quoi. Je veux dire, on voit bien que ça vérifie toutes les propriétés qu'on aimerait que la matière vérifie. Donc ça, bon, je vous ai déjà un petit peu dit que Tate avait cherché pendant très longtemps à faire la table de tous les nœuds, etc., sans modélisation, sans méthode, sans formule, sans rien, etc. Et qu'il avait fait jusqu'à 10 croisements. Et voilà, donc il a passé beaucoup de temps en pensant faire de la physique. En fait, il a juste intéressé les mathématiciens. Alors la question à laquelle j'ai pas de réponse, c'est est-ce qu'il a continué à faire des recherches sur les nœuds quand on s'est rendu compte que ça servirait à rien en physique ou pas. J'ai pas de... Faudrait que je regarde ça. La publication de... Enfin, en tout cas, une publication de Tate se trouve sur Internet. Et c'est vraiment cool, alors c'est en anglais, mais j'ai pas lu le texte, parce que ça doit, je sais pas de quoi il parle, mais j'imagine qu'il doit parler un peu de physique. Et à la fin du texte, vous avez la fameuse table des nœuds, la première qu'il a faite a priori. Et voilà quoi, c'est des dessins à la main de nœuds. C'est hyper impressionnant. Et donc, c'est fou, cette histoire, ouais, c'est dingue hein, quand même. C'est un joli ratage quand même. Ouais, c'est quand même beau, ouais. Dans le genre, ouais. C'était difficile de faire mieux. Ouais. Ouais. Donc voilà l'origine de la théorie des nœuds et voilà pourquoi je voulais classer ça dans les ratages. Alors ensuite, c'est ça. Là où cette histoire de ratage devient vraiment très très très chouette, très intéressante, c'est qu'en fait donc pendant 50 ans, vu de nez au pif comme ça, même peut-être un peu plus, ce sont des mathématiciens qui ont repris l'étude. Je vous ai raconté plein de choses la semaine dernière là-dessus. Et a priori, encore une fois, c'était un truc qui était typiquement les mathématiciens parlent aux mathématiciens. Moins il y a d'applications, plus on est fier parce que ça veut dire que c'est plus joli, c'est plus beau, c'est pour l'honneur de l'esprit humain, tout ça. Et vraiment, ça n'intéressait personne d'autre. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ça a fini par intéresser plein de gens. Alors, les nœuds, d'une manière générale, mais alors pas forcément d'un point de vue mathématique, peuvent intéresser plein de gens. C'est assez rigolo, pendant le week-end théorie des nœuds, par exemple, j'ai croisé un chirurgien alors qui, lui, aurait été intéressé par l'approche physicienne actuelle des nœuds, qui serait plutôt, par exemple, si donc je prends une ficelle, je fais une boucle, je passe dans la boucle, j'ai un nœud de trèfle. Quand on tire sur les deux bouts de la ficelle, il y a un petit frottement, mais globalement, ça se serre très très bien. Maintenant, je pense que tout le monde sait que si on fait un deuxième passage dans la boucle, quand on tire sur la ficelle, ça bouge, mais il y a un peu plus de frottement, c'est un peu plus difficile à faire. Et c'est un truc qu'on peut utiliser quand on fait son nœud de chaussure, par exemple. C'est clair qu'il faut passer deux fois, parce que comme ça, quand on serre, c'est pas la peine de mettre le doigt pour que ça se maintienne. Globalement, ça se maintient, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de frottement. Et quand on fait un passage de plus, il y a encore plus de frottement. Alors ça, il y a des physiciens qui ont fait des études là-dessus. Donc ça, c'est complètement autre chose que la théorie mathématique des nœuds. Hein. Mais ils ont fait des études là-dessus sur... Plus je rajoute... À quelle vitesse augmente la force que je dois mettre pour pouvoir serrer ce nœud en fonction du nombre de tours que je fais. Et en fait, c'est exponentiel, ça augmente très très vite. Et ça, c'est assez rigolo. Pendant que je faisais le week-end théorie des nœuds, il y a un mec qui est venu me parler et qui a fini par me dire qu'il était chirurgien. Et donc, lui, ce qui l'intéressait, c'est ce genre de choses. Parce qu'ils savent très bien, les chirurgiens, qu'avec telle qualité de fil, s'ils font trois passages et qu'ils tirent, le fil se casse avant d'être serré. Et que donc, c'est pas possible. Donc, c'est assez rigolo parce que je trouve que on devrait mettre en contact, je sais pas si c'est déjà fait, mais les physiciens avec les chirurgiens. Parce que cet aspect-là de l'étude des nœuds, apparemment, les intéresse. Les chirurgiens, par exemple, il a commencé à me parler en termes techniques. On fait un 3-2. Alors un 3-2, ça veut dire on fait d'abord trois passages et puis par-dessus on refait deux passages ou un truc comme ça. Et donc suivant l'épaisseur des ficelles, ils ont leur procédure, quoi, ils ont leur truc, leur protocole. Il faut pas faire plus de temps de passage, sinon le fil va casser, sinon il va pas bien se serrer, ça sera plus possible de serrer à fond, etc. Donc je trouve que c'est un truc relativement marrant. Enfin, bah, on s'éloigne un petit peu hein, de la théorie des nœuds mathématiques, mais juste pour dire que l'étude des nœuds en soi, avec le nombre de croisements par exemple, ça peut quand même un petit peu faire un lien, peut être étudiée aussi d'un point de vue purement physique et intéresser plein de gens. Alors sinon, ce que j'ai compris, mais alors là je vais être très peu très très peu prolixe parce que j'ai vraiment pas eu le temps de creuser, parce que c'est un sujet qui est pour moi très très très compliqué parce que ça touche à de la physique que je comprends pas, que je connais pas, mais apparemment, et ça je trouve que c'est une très très belle ironie de l'histoire, les physiciens se réintéressent énormément à la théorie des nœuds des mathématiciens, et en fait pas vraiment à la théorie des nœuds mais à la théorie des tresses, mais qui est complètement liée comme je l'avais expliqué. Et en fait, la chose que ça leur permet très éventuellement de décrire, de modéliser, c'est des choses qui ont rapport avec la physique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une tresse, donc une tresse, je reprends, vous avez plusieurs brins de plusieurs fils, quoi, et vous pouvez les entrecroiser un peu comme vous voulez, enfin complètement comme vous voulez, tant que vous ne faites pas de retour en arrière, il ne faut pas faire remonter un fil. Et en fait, ça apparemment, ça peut modéliser, ça pourrait aider à modéliser des histoires de changement d'énergie. Des quantum ou des machins comme ça, alors ça je vais vraiment m'arrêter très vite parce que je sais rien, mais ou des histoires de spin aussi, je sais pas Johan si ça fait sens ou pas ce que je raconte, mais apparemment il y a des physiciens théoriciens qui sont branchés là-dessus et qui regardent de très près la théorie des tresses parce qu'ils pensent que ça pourrait leur fournir des bons modèles pour tout ce qui concerne ce genre de sujet sur la physique quantique. J'ai peur que Johan se soit endormi. Johan, soit... d'accord. Moi, c'est pas grave. Éventuellement, si ça intéresse des gens, je brancherai Johan sur des physiciens qui travaillent là-dessus pour qu'ils nous expliquent, ou quelqu'un d'autre, mais moi, j'ai peur de pas être capable. Et puis, c'est peut-être bien que quelqu'un d'autre que moi parle de nœuds la prochaine fois, parce que sinon, je vais toujours raconter la même chose. Mais voilà. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des physiciens théoriciens qui, aujourd'hui, utilisent les résultats mathématiques de théorie des tresses pour des modèles de physique quantique. Alors, ce que m'a dit le mathématicien qui m'a dit ça, c'est ouais, t'enthousiasme pas trop là-dessus, parce que je trouvais que ça faisait vraiment une super belle histoire, quoi. On part des physiciens, les physiciens se désintéressent parce que ça marche pas, il n'y a plus que les mathématiciens qui s'en chargent, et tout d'un coup, une fois qu'ils ont retrouvé des résultats, ça va être à nouveau les physiciens qui vont être intéressés parce qu'ils vont retrouver des modèles. Je trouvais que c'est très joli comme histoire, et en plus, dans le même type de modèle, parce que la physique quantique, c'est un peu ce qui se rapproche de rechercher ce que c'était que les atomes au 19e, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans le même genre de préoccupation. Mais bon, il m'a dit, t'emballe pas trop quand même. Parce qu'a priori, les physiciens qui utilisent ce type de modèle, c'est un peu des mathématiciens déguisés, c'est-à-dire que c'est des physiciens qui font de la physique très très très théorique, et rien ne nous dit que ça intéressera un jour des vrais physiciens, quoi. Voire des ingénieurs ou des trucs comme ça, soyons fous. Donc en fait, c'est pour ça que je trouvais l'histoire très jolie, je la raconte quand même, mais a priori, il faut quand même un peu modérer son enthousiasme. Mais enfin, il y a des gens dont le métier est officiellement d'être physicien qui le font, donc c'est pas complètement faux. Alors sinon, le truc que je vais vraiment développer, que je trouve absolument génial, c'est les applications en biologie, en ce qui concerne l'ADN dans une cellule. Ah, c'est enfin extraordinaire. Alors, donc du coup, je vais parler beaucoup d'ADN. Donc là, pour le coup, j'ai deux personnes pour me taper dessus, si je disais comme ça. Je compte sur vous. Hein, Ah bah là, tu peux. Mais a priori, j'ai discuté avec des gens, c'était le domaine de recherche, donc j'espère ne pas avoir trahi ce qu'ils m'ont raconté et avoir bien compris. Ça m'a l'air limpide, donc du coup, je suis assez confiant. Oulala, ouais. Non, mais là, le peu que j'explique, hein, l'ensemble, non. Hein, je sais que c'est. Moi, je peux voir Billy, elle a un grand sourire sur son visage. Donc en fait, bon, le premier truc qu'on m'a dit, c'est, bah oui, réfléchis deux secondes, évidemment que ça intéresse les biologistes, dans chacune des cellules, t'as de l'ADN, et l'ADN dans une cellule, c'est à peu près 2 mètres de long. Donc c'est clair que si on a un truc qui fait 2 mètres de long dans un truc aussi petit qu'une cellule, on voit mal comment ça peut ne pas faire de nœud. Et bah peut-être pas, hein, c'est juste un... Ouais. Ça en fait plein. ça en fait plein. Non. Si, ça en fait plein. C'est-à-dire que le morceau d'ADN, là, la double hélice d'ADN, là, qui est torsadée, eh ben, en plus, passe son temps à faire des nœuds. Quoi ? Bah si. Elle n'est même pas fermée. Enfin... Elle fait des nœuds. Alors, elle fait des nœuds sans que les deux extrémités soient refermées. Donc, c'est pas un nœud au sens mathématique. C'est pas un nœud au sens mathématique. Sauf. Bah, déjà, c'est n'importe quoi. Non, mais attends, s'il te plaît. Ça fait quand même des nœuds dans le sens où c'est extrêmement long par rapport à la place que ça a. Donc, en fait, ça fait quand même des nœuds. Et même si c'est pas recollé, c'est tellement long le truc que c'est intéressant d'utiliser le modèle mathématique des nœuds pour étudier ça. Parce qu'honnêtement, un nœud qui se retrouve au milieu d'un brin d'ADN, enfin, d'un double hélice d'ADN, alors que les extrémités sont complètement à l'autre bout en train de vivre leur vie, il va jamais se défaire. Donc en fait, le modèle. Ça fait des motifs de torsion, ça fait pas des nœuds. Ça fait aussi des nœuds. Ça fait les deux. Ah bon ? Ouais. Bah tiens, il y a une image là dans la chatroom, je ne sais pas qui l'a mis. Oui, mais alors ça déjà, c'est un bout d'ADN dont les nœuds sont. Qui n'a pas d'extrémité, si tu vois bien, c'est une boucle. Donc c'est aussi un autre problème. C'est déjà plus. C'est ça, différent c'est du. C'est l'ADN des bactéries, on y viendra ouais, après. Ouais, c'est un plasmide, ouais. Les ADN des bactéries, c'est encore mieux. On y viendra après. mais en tout cas, je vous assure, là vraiment, je suis embêté parce que vous avez l'air de tous les deux d'accord pour dire que ce n'est pas vrai ce que je dis, mais vraiment, j'ai discuté avec des gens qui travaillent dans le domaine et qui m'ont dit si, ça passe son temps à faire des nœuds. Alors effectivement, pas des nœuds au sens mathématique, puisque les deux extrémités sont pas recollées. Mais si vous avez un brin extrêmement long, le bon modèle, c'est de prendre un nœud refermé, parce qu'il ne va jamais se défaire tout seul. Quoi. Donc si vous préférez, on peut changer de modèle, et au lieu de dire qu'on colle les deux extrémités, c'est l'autre modèle qu'utilisent les mathématiciens, on fait un nœud avec la ficelle, et puis on colle les deux bouts de la ficelle à un mur. Enfin, à deux murs, face à face. Si vous préférez, on peut prendre ce modèle-là. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que le nœud à l'intérieur, là, les croisements à l'intérieur, ils ne vont pas disparaître comme ça. Quoi. Et tu veux en venir où, là, sur les applications parce que... Eh bien, en fait, alors voilà. Alors, il y a plein de trucs. Déjà, il y a une première chose, c'est que suivant le nœud que ça fait, ça va physiquement avoir des aspects variables à l'extérieur. Et a priori, des histoires de reconnaissance de forme et qui, en fait, seraient complètement liées à la topologie du nœud. C'est-à-dire qu'en gros, suivant la forme qu'a le nœud, la forme extérieure de l'ADN, ou alors ça concerne aussi d'autres molécules très longues comme ça, va en fait permettre d'être reconnu. Donc il y a des liens entre la façon dont c'est croisé et la forme que ça a extérieurement. Parce qu'en plus d'être croisé et de faire des nœuds, c'est complètement compacté. Pour moi, c'est en fait, t'as raison, mais si on n'utilise pas le nœud comme tu l'as défini dans la première émission, en gros, il y a effectivement une façon dont l'ADN se replie ou se tord, il va y avoir des motifs de reconnaissance, mais ça ne fait pas des nœuds avec se croise et se recroise. Si, il y a des croisements. Si, il y a des croisements. Il y a des nœuds de trèfle et des machins comme ça. Ce qu'on appelle le motif en forme de trèfle, je ne suis pas sûre que ça fasse un... Mais ok, d'accord. Alors, vous n'avez peut-être pas le même vocabulaire. Hein, ouais, je pense que le vocabulaire est différent, en fait. Et après, ce que je sais aussi, c'est que c'est un domaine dans lequel ça balbutie. Quoi. C'est-à-dire que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Parce que, encore une fois, 2 mètres de long dans une cellule, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un des nœuds. Il y en a plein, plein, plein qui sont extrêmement complexes. Et en fait, je vais avoir du mal à comprendre ce que c'est. Et puis, il y a des gens qui écoutent et qui n'ont pas les images de la chatroom en même temps, donc je vais pas. On en discute peut-être après. Mais là, je vois pas a priori effectivement de lien avec le trèfle. Donc voilà, enfin en tout cas, moi j'ai vraiment discuté avec des gens qui sont dans ce domaine-là et qui m'affirment ça. Alors ils m'ont dit aussi quelque chose, c'est que l'ADN, on a une image de l'ADN qui est un long brin, une longue double hélice comme ça, comme un long fil torsadé. Et en fait ils disent qu'il faut un peu perdre cette image-là parce qu'en fait ça passe son temps à se casser, à se recoller. C'est en permanence en mouvement là-dedans et ça passe son temps à se casser, à se recoller. Et du coup, si ça passe son temps à se casser et à se recoller, ben, il suffit que ça passe de l'autre côté du brin et là encore ça va créer des nœuds sans qu'il y ait besoin de l'extrémité qui passe quoi. Ça crée des croisements supplémentaires ou éventuellement ça en enlève, mais en tout cas ça fait localement ce qu'en mathématiques on appelle un nœud. Si on regarde juste le petit endroit où ça vient de se faire, on a un nœud. Et apparemment il peut y avoir des nœuds extrêmement serrés, des nœuds extrêmement larges qui se créent, qui se défont partout en même temps. Non, après, c'est vrai que c'est une structure hyper dynamique, ça c'est vrai. Après, c'est vrai que les brins se croisent, se décroisent, surtout quand il y a des méioses, etc. Exactement. Ouais. Et alors, j'en viens là, c'est le gros problème qui va se poser, et le gros truc qui peut effectivement intéresser quand même les biologistes, c'est pas forcément tous les résultats de la théorie des nœuds mathématiques, mais disons que quand on essaye de développer la théorie des nœuds mathématiques, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on essaie de développer des outils efficace pour décrire un nœud. Donc après, je veux dire, le fait qu'il y ait des nœuds qui soient premiers ou pas, les biologistes, on n'a a priori rien à secouer. Le fait que deux nœuds soient... Enfin, je sais pas, il y a plein de résultats, le polynôme de Jones, les machins, je pense que les biologistes en ont un peu rien à secouer. En revanche, le fait d'avoir fait tout ça a développé des outils qui font que maintenant, un mathématicien qui voit qu'il y a une image numérisée d'un nœud a des méthodes qui permettent de le décrire plus simplement et de pouvoir le comparer à d'autres. Et notamment donc de comparer deux ADN complètement emmêlés et de dire est-ce qu'ils ont la même structure topologique. Extérieurement, ils se ressemblent pas, je sais pas, ça va être éventuellement autre chose, mais est-ce qu'il y a la même quantité de nœuds, est-ce qu'il y a un peu le même type de nœuds, etc. à l'intérieur. C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a vachement de gens effectivement qui s'intéressent à la structure de l'ADN et il n'y a pas beaucoup de techniques qui permettent de visualiser les molécules avec cette résolution. Extrêmement difficile et c'est des trucs que tu peux pas aller voir vraiment dans le détail. Mais donc, il faut réussir à faire un lien entre la forme à l'extérieur. Et ben, il faut tu peux faire des modèles. Alors, il y a des modèles, j'ai pas parlé de ça, mais des modèles, par exemple, mathématiques, qui vont, au lieu d'utiliser des ficelles ou des trucs qui ressemblent à ça, un nœud, ça va être, en fait, un truc articulé, quoi. Vous prenez des. Comme les. Vous voyez les serpents qui. On prend les faux serpents en bois, là, avec. Loup, et puis on les fait bouger, comme ça, là. On prend juste la queue, puis ça bouge dans tous les sens. Truc comme ça, c'est-à-dire, en gros, on a des morceaux rigides qui sont attachés entre eux par des clous, du coup, ça peut tourner autour. Et là, on peut éventuellement, si on a quelque chose comme ça, ou plus que tourner, on peut aller dans n'importe quelle direction à chaque articulation. On peut chercher à faire une structure de nœud avec ça, qui va être beaucoup plus facile à étudier parce qu'on a un nombre fini de morceaux de droite, en fait, de morceaux de segments. Et donc ça, c'est un des modèles qui est utilisé aussi par les mathématiciens pour essayer de comprendre comment fonctionne un nœud. Et ça, c'est des choses qui peuvent effectivement aider à décrire un nœud et à dire, j'ai telle longueur. Alors, il y a un résultat qui est drôle parce que c'est un résultat mathématique qu'on peut démontrer et tout, et puis on peut aussi avoir la version physique de ce machin-là, mais c'est complètement crétin, c'est un résultat, il est très très naturel, qui dit juste que si la longueur d'un fil tend vers l'infini, on met un fil dans une boîte, on la secoue, si la longueur du fil tend vers l'infini, il y aura de plus en plus de... Enfin, on pourra avoir tous les nœuds qu'on veut sur le fil. Tous les nœuds pourront apparaître, quoi. La limite, c'est que tous les nœuds apparaîtront. Et on peut décrire les choses de façon un peu plus précise, c'est-à-dire on peut donner un peu la fréquence d'apparition des nœuds les plus simples qui vont apparaître évidemment beaucoup plus que les nœuds qui sont très complexes. Wow. Donc on peut essayer de décrire ce genre de choses. Et ça peut vraiment ressembler à ce qui se passe parce que c'est pas une longueur infinie, mais encore une fois, j'insiste, 2 mètres dans une cellule, c'est très très long. Donc c'est le genre de modèles qui, encore une fois, peuvent quand même être un peu pertinents. Et donc on peut regarder quel type de nœud peut apparaître plus souvent, moins souvent, etc. Puis après on regarde ce qui se passe dans l'ADN et puis on regarde si ça colle un peu avec notre description. Ouais, et bien d'ailleurs, pour aller voir ce qui se passe dans l'ADN, il faut un microscope à force atomique. Ah, et, voilà. Si vous voulez, je peux vous en pro. je vous fais des prix. D'accord, ok. Donc ça je sais pas faire, mais d'accord. Et alors le truc qui se passe du coup au moment justement de la méiose, mitose, tout ça, tous ces machins là, et même, enfin voilà, en gros, pour ceux qui ont oublié leur cours de bio, méiose, mitose, c'est des trucs différents, mais le truc en commun dans ces choses là, c'est que la cellule va se couper en deux et qu'il faut avoir exactement le même la moitié de l'ADN d'un côté et la moitié de l'autre. Et non, ça va pas ça. Vas-y, continue. Non, c'est pas grave. Enfin, dupliquer tout ça, machin, mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, chaque chromosome doit se couper. Non. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Chaque chromosome doit se dupliquer. ADN doit se dupliquer. Ouais. Donc en gros, vous avez la double hélice là, où vous avez chaque A qui est face à un T, et chaque C qui est face à un G. Ça bon, j'ai pas dit de bêtises. Et donc vous avez le double brin comme ça, et vous avez des enzymes qui vont venir pour ouvrir le truc comme une fermeture éclair. Et il y a le complémentaire qui va venir en face de chaque brin. Et donc à la place d'un brin, on va avoir deux fois le brin exactement identique au premier. Sauf qu'il y a des mutations et tout, mais on va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, ces deux brins là, il faut qu'il y en ait un à gauche, un à droite, pour que la cellule, quand elle se divise, ait exactement le même patrimoine génétique. C'est pas des bêtises, ça va. Ouais, moi je suis d'accord, en gros, ouais. Schématiquement, hein, je le fais matheux. Hein. Ouais. Voilà, je suis dans le monde des bisounours, moi. Hein. Ouais, tu sais déjà bien plus de choses en bio que je ne saurais jamais en maths. Hein. Je te lancerai pas la pierre. Sauf si tu m'écoutes à chaque fois, Billy. Et, moi, c'est avec toi que j'ai tout appris. Donc, je trouve que Billy, elle est là à tous les épisodes quand même, hein, de matin. C'est seulement cela, mais elle est là. Elle vient et elle fait semblant de ne pas aimer, c'est mignon. Et donc maintenant, voilà, ce que je viens de dire, là, de vous décrire, ce phénomène-là. Imaginez 2 secondes que les deux brins, les deux morceaux de l'ADN, là, enfin l'ADN, pardon, ils forment des nœuds. Il y a plein de croisements. Donc la duplication, ça va éventuellement bien se passer. Il y a un machin qui vient tout du long, qui vient rendre l'ADN droit, le détorsionner pour que ça soit plus facile, écarter, hop, il y a les machins qui viennent se mettre en complémentaire, tout ça, puis il y a les deux brins qui peuvent s'écarter l'un de l'autre. Sauf que s'il y a des nœuds, ils ne peuvent pas s'écarter l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas se séparer. Sauf s'il y a le bout tout au bout là-bas de l'ADN qui vient refaire le parcours inverse de ce qu'il a fait. Mais vous imaginez bien que c'est absolument impossible. Sauf si on recoupe l'ADN pour réinverser à nouveau les croisements pour que les trucs se défassent, pour que les nœuds se défassent. Et donc il y a des enzymes qui sont effectivement chargées de ça, qui font exactement ça. C'est-à-dire que quand il y a un croisement, les enzymes viennent, elles coupent un des deux brins, un des deux ADN, elles le coupent, elles amènent les deux morceaux de l'autre côté de l'autre morceau d'ADN et elles recollent. Donc en gros, elles font exactement ce que j'expliquais sur les nœuds gordiens, le nombre gordien là, sur les nœuds, les choses comme ça. C'est en gros, on a un croisement dessus-dessous avec les deux morceaux d'ADN. Et ben, l'enzyme va faire en sorte que le croisement dessus-dessous devienne un croisement dessous-dessus. C'est l'autre brin qui passe au-dessus par rapport à ce qu'il y avait avant. Et en fait, du coup, il faut faire ça pour que les deux brins, pour que les deux, je sais jamais quel mot utiliser pour ça, pour les deux hélices, quoi, les deux ADN. Le brin d'ADN, ouais. Mm-hmm. Ouais, alors le problème, c'est qu'un ADN est formé de deux brins ou un truc comme ça, je sais pas quel vocabulaire utiliser. Non, pour c'est ça. Une double hélice, mais on peut tout c'est une double hélice, et donc chacun des morceaux de l'hélice, t'appelles ça comment, alors, histoire de pas. Ben, c'est un brin d'ADN. Enfin, d'accord. Comment on dit. Donc une double hélice est formée d'un brin, on peut parler comme ça. Oui, parce que sinon, je vais pas des brins quand c'est l'autre truc. Donc, en gros, il y a les doubles hélices et il y a les brins. On est d'accord, qui est formé de deux brins. Non, mais alors, pour que je comprenne bien, chacun des deux, l'hélice est formée de deux brins qui font une hélice, c'est ça ? Ouais. Voilà, les deux brins forment l'hélice. Ouais. En gros, un ADN, pour moi en tout cas, c'est pas mal comme image. C'est plutôt une bande qu'un fil. C'est une bande de papier qui est torsadée. Oui, et puis, tu as un brin d'ADN sur chaque bord de la bande. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, après, maintenant, si vous prenez cette bande de papier qui est toute sorte torsadée et que vous lui faites faire plein de nœuds, vous coupez cette bande au milieu. Ça, c'est le moment où ça se sépare en deux pour la duplication. Vous faites la duplication, bon, ça, peu importe, ça veut juste dire que chaque moitié de bande de papier, il y a une autre moitié de bande de papier qui viendra se remettre pour que ça ait la bonne taille. Mais le problème, c'est qu'elles ne pourront plus du tout se séparer. Enfin, elles pourront, mais encore une fois, si on fait intervenir les extrémités, et dans un truc qui fait 2 mètres de long, c'est pas possible, ça va pas se faire naturellement, ce machin-là. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, voilà, à chaque fois que les brins sont emmêlés, enfin les doubles hélices sont emmêlées, il va y avoir des enzymes qui vont intervertir les croisements, ça va passer de dessus-dessous à dessous-dessus, et ça va permettre petit à petit de séparer les deux hélices et d'en envoyer une d'un côté et une de l'autre. Ouais. Alors le truc qui est complètement fou avec ça, et là encore la théorie mathématique va pouvoir être utile, c'est que si, enfin les enzymes elles n'ont pas un plan d'ensemble quoi, elles interviennent sur un croisement, et elle le change. Mais si ça se trouve, en le changeant, elle rajoute des nœuds plutôt qu'elle n'en enlève. Tu veux dire qu'elle se trompe dans leur programme ou Comment elles peuvent savoir localement s'il faut faire changer une intersection ou pas la changer ? T'imagines le nombre d'intersections que c'est et la complexité du nœud. En fait, si j'ai bien compris, personne ne sait trop comment ça fonctionne vraiment. Bah déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment beaucoup tous les jours, il y a énormément d'erreurs. Je ne sais plus le nombre, ce chiffre, des milliers par jour d'erreurs qui sont corrigées ensuite, mais il y a beaucoup d'erreurs. Quand la séparation entre les deux ADN dupliqués ne peut pas se faire, la cellule, elle meurt, quoi. C'est pas juste une erreur d'une mutation ou un machin comme ça. C'est quand les deux morceaux d'ADN ne peuvent pas être séparés, la cellule ne peut pas se séparer en deux et elle meurt. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait des antibiotiques qui fonctionnaient comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des antibiotiques qui tuent les enzymes, qui coupent les intersections et qui les changent de l'un dans l'autre. Bah, la plupart des antibiotiques qui agissent effectivement sur l'ADN des bactéries. Ouais. Et le problème, c'est que parfois, ils ne sont pas spécifiques aux bactéries. Ouais. C'est ça. Mais en fait, mais ça, oui, ouais. Qui empêche les enzymes de couper les hélices pour pouvoir échanger ces croisements pour que l'ADN puisse partir, pour que les deux morceaux d'ADN puissent partir des deux côtés. Mais dans le même genre, les anticancéreux aussi agissent comme ça. Hein, oui, non mais voilà, surtout comme ça. Et alors il y a aussi des poisons apparemment qui fonctionnent comme ça. Alors voilà. Donc ça c'est ce qui se passe pour des ADN type le nôtre qui sont fils, qui sont en gros avec un début et une fin quoi. Et il y a un truc. Pire que ça qui se passe pour les bactéries. Les bactéries, il y a une différence. Donc la plupart des bactéries, Là, non, parce que du coup, j'ai raconté les choses comme j'ai répondu. Je vous ai répondu, j'ai raconté les choses absolument dans un ordre différent de ce que j'avais prévu. Mais comme j'ai prévu. Là, tu es courageux quand même. Hein. Tu t'es lancé dans la biologie avec Billy et moi. Bravo. Bon, j'espère que ça va quand même ce que je raconte. Mais voilà. Et donc, en gros, ce que je veux dire juste, c'est que les mathématiques, la modélisation mathématique de nœuds extrêmement compliquée peut intéresser les biologistes parce que, voilà, encore une fois, on peut voir statistiquement quel type de nœud existe, etc., etc. Combien en moyenne, si ça se fait plus ou moins au hasard, par essai-erreur, on peut imaginer un procédé où, par exemple, les deux morceaux d'ADN sont attirés chacun d'un côté, et puis les enzymes coupent et recollent, et puis quand ça va dans la bonne direction, ça va éloigner les deux bras l'un de l'autre, par exemple, un truc comme ça. Donc, mais il va y avoir aussi des erreurs dans les interversions de croisements qu'ils font. Donc on pourrait éventuellement chercher une modélisation de combien de temps ça va prendre, combien de fois les enzymes doivent intervenir avant que les deux morceaux d'ADN puissent se séparer statistiquement, etc., ce genre de choses. Ça, pour ça, il y a vraiment besoin de savoir décrire un nœud, quoi. C'est intéressant, ça me fait penser, j'en reviens à ce que je fais tous les jours, j'utilise ce microscope à force atomique, mais une des applications que les gens effectivement font avec ce microscope, c'est qu'on arrive à déplier des molécules, des protéines, ouais. À tirer sur des protéines pour justement ouvrir ce qu'on peut appeler les nœuds finalement et voir quelle force il est nécessaire pour déplier justement la protéine et chaque nœud en fait. Et puis après, c'est vrai que les biologistes s'amusent à changer les séquences des protéines pour essayer de comprendre effectivement la configuration de ces nœuds, tout à fait. Alors voilà, après faut faire gaffe, il y a des fois des trucs que j'ai vu passer où c'est pas des nœuds, c'est juste un truc qui se replie, mais il y a pas de croisement. Voilà. Oui. C'est vrai que c'est là où ça devient un peu ambigu, effectivement. Mais l'ADN, c'est clairement. Mais après, bon, je pense que le même genre d'outils peuvent quand même éventuellement servir. Les modélisations, ce que je disais, avec des trucs articulés, là, ça peut éventuellement le faire aussi. Mais disons que ça ne va pas être le même domaine des mathématiques, a priori. Ouais, non, mais c'est, je pense qu'effectivement, ils doivent s'en servir pour les modélisations, ouais. Et voilà. Et alors, l'autre chose que j'ai apprise et qui est l'autre situation dans laquelle ça sert, et c'est exactement la même histoire en fait, hein, mais je trouve l'histoire encore plus belle, c'est effectivement dans le cas des bactéries, puisque dans le cas des bactéries, donc dans la plupart des bactéries, si j'ai bien compris, c'est pas toutes les bactéries, l'ADN, contrairement au nôtre, se referme. C'est un cercle. Et donc là, si vous avez suivi ce que j'ai raconté la semaine dernière, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Il ne devrait pas y avoir de nœud qui apparaît. C'est-à-dire que si vous avez une ficelle fermée, vous pouvez lui faire toutes les misères que vous voulez, vous pouvez la mettre en tas, vous pouvez machin, etc. Tant qu'elle ne se coupe pas, il n'y a pas de nœud qui apparaît. Alors, il se trouve que, effectivement, comme notre ADN, en fait, ça passe son temps à se couper, à se recoller, et donc il y a des nœuds qui apparaissent. Mais par rapport au nôtre, on voit qu'a priori, il y a quand même un avantage. A priori, il y a des chances pour qu'il y en ait moins. Mais il y a quand même un problème au moment de la duplication et au moment où l'ADN doit partir, où l'ADN doit se dupliquer, une fois dupliqué, doit se séparer l'un de l'autre. Et je vous explique pourquoi, et ça, je trouve ça génial. En fait, l'ADN, je vous ai dit, c'est un truc qui fait des tours, qui tourne. C'est comme une bande de papier avec laquelle on fait plein de demi-tours, et puis à la fin, on va recoller le début à la fin. Alors ça, normalement, tous les matheux reconnaissent immédiatement ce dont je viens de parler. Oui. C'est tout à fait ce qui va ressembler à des rubans de Möbius. On le compare alors, souvent l'ADN à ça. Hein. Et voilà. Et alors, le truc, c'est que, imaginez deux secondes, parce que le ruban de Möbius, tous les gens qui ont entendu parler de ruban de Möbius, généralement, c'est le premier truc qu'on fait, le deuxième truc qu'on fait à son sujet. Faites un ruban de Möbius, et, enfin, c'est même pas la peine de le faire, d'ailleurs, on peut le comprendre très bien. Un ruban de Möbius, donc je rappelle pour ceux qui ont oublié, on va commencer avec très peu de demi-tours pour essayer de mieux comprendre. Vous prenez une bande de papier, et vous voulez coller les deux extrémités de cette bande entre elles, sauf que vous faites faire un demi-tour à l'une des extrémités avant de le coller au premier. Ok. Si on dit que ça c'est un modèle de l'ADN, ça veut dire qu'en faisant ça, vous venez de coller le brin gauche de l'ADN avec le brin droit, et qu'en fait, vous avez donc un seul fil de brin d'ADN seul. Vous voyez le truc ? Catastrophique. Ouais. Et donc quand on coupe au milieu, on se retrouve pas avec deux morceaux qui peuvent se séparer, on se retrouve avec un seul morceau très long, deux fois plus long. Vous voyez le truc ? Catastrophe. Ouais. Alors, heureusement, ça, a priori, ça ne peut pas arriver. Pourquoi ça ne peut pas arriver ? Donc ça c'est complètement pas des maths, mais j'ai trouvé ça tellement beau que j'en parle quand même, et puis c'est quand même dans le sujet de, enfin voilà, en fait c'est j'ai trouvé ça dingue aussi d'apprendre que l'ADN passait son temps à se couper et à se recoller, et j'avais la question en tête, mais là je l'ai vraiment posée parce que j'ai dit c'est pas possible, si ça fait un truc avec un nombre impair de demi-tours votre truc, Et comme c'est une cellule, là encore, c'est un ADN très long dans une cellule. Je veux dire, le début de l'ADN et le fin de l'ADN, ils savent pas combien ils ont fait de demi-tour. Là, ils peuvent pas savoir, hey, Coco, t'as fait un nombre impair ou pair, on peut se recoller comme ci ou comme ça. C'est pas possible, quoi. Il y a pas possibilité. Ouais. C'est-à-dire que c'est localement, il y a moyen de savoir. Et en fait, ce que j'ai appris à l'occasion, alors vous les filles, vous devez être au courant depuis longtemps, mais moi je trouve ça génial. Je savais pas du tout. C'est que en fait. Il va se lancer dans la biologie. Hein. Mais j'ai quel toujours bonheur. Dit que la seule science à part les maths qui me bottait, c'était la bio. L'ADN ne se coupe jamais tout droit. Attends, tu veux dire quoi, il se coupe jamais tout droit? En fait, quand on coupe, alors pas quand on coupe dans le sens de la longueur, mais quand il se coupe... quand il se coupe... Ah oui, oui, il est décalé, voilà. Oui, c'est décalé. Oui, oui. Et mais c'est oui. super important, parce que c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de ruban de Möbius. Alors, c'est là que j'ai fait des sons pour essayer de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas, parce que pour eux, ça va être vraiment compliqué, les pauvres. Donc, je reprends. Donc, une suite, enfin, un morceau d'ADN. Ça va, les non-biologistes, là? Ils sont partis ailleurs. Moi, ça va. Bon, très bien. Donc, de l'ADN, ça, normalement, voilà, la double hélice. Face à chaque A, j'ai un T. Face à chaque T, j'ai un A. Face à chaque C, j'ai un G. Et face à chaque G, j'ai un C. Donc, sur un brin, j'ai une suite de A, G, G, C, G, T, G, G, G, G. Et en face, même chose, mais j'ai à chaque fois, du coup, le complémentaire. Et en fait, le truc, c'est que quand un morceau d'ADN comme ça se coupe, ça ne va pas se couper... au même endroit sur les deux brins. Alors j'ai essayé de faire un son pour ça. En gros, le son que j'ai fait, c'est j'ai fait deux notes, la même note à l'octave, c'est A et T, et la même note à l'octave et deux autres notes à l'octave, c'est C et G. Comme ça, on entend bien les deux notes qui doivent être face à face. Donc ça, c'est le brin d'ADN, enfin le double, la double hélice avant qu'elle soit coupée. Voilà, donc j'ai fait ça, c'est pourri, j'étais super concentré, du coup j'ai fait n'importe quoi. Mais en gros, l'idée c'est de dire à chaque fois vous entendez, il y a deux notes, c'est censé être la lettre d'un côté et la lettre de l'autre, et c'est toujours à l'octave, c'est toujours la même note, c'est toujours la même qui est en face de la même, quoi. Maintenant, voilà comment ça se coupe, alors voilà ce que va donner le premier morceau. Donc vous avez vu, ça commence par deux lettres, ouais. Donc ça c'est tant oui. que c'est pas coupé. Puis après il y a une ouais. seule lettre, c'est-à-dire qu'en fait que ça se coupe en faisant en sorte que il y a un des deux brins qui continue mais pas l'autre. Et donc du coup il y a des notes toutes seules. Mm-hmm. Et les notes toutes seules, et eh ben il y a exactement qu'est-ce qu'il a pris comme drogue ce mec. Franchement, j'ai toujours compris l'ADN et quand c'est Robin qui l'explique, j'ai l'impression de plus être biologiste. comment il s'appelle là, André Manoukian qui parle des prénoms. Parce que si on fait ça pas en un seul tonnant, après ça va être encore pire. Le deuxième. Non mais tu pourrais très bien dire aussi que les extrémités, au lieu d'être double brin, elles sont simple brin. Oui, mais c'est juste parce que j'avais peur que les gens comprennent pas. Je me disais que ça c'était pas mal, mais bon, peu importe. si vous ça vous êtes pas. On verra bien. Et attendez avant de m'engueuler. Et donc là, mais on a oublié évidemment parce qu'elles m'ont interrompu ce qu'était la fin des notes là toute seule. Mais évidemment, du coup, si on prend l'autre brin, vous allez avoir exactement le complémentaire de ce que je viens de ce qui vient d'être joué tout seul. Et puis après, ça reprend des doubles notes. Mais tu crois qu'on va se souvenir des notes de la... Ah oui, mais non, mais vous avez parlé aussi, vous m'avez interrompu. Bah, recommence du début. Alors le brin 1 et le morceau 1 et le morceau 2 à la suite, s'il te plaît, chef. Morceau 1 et morceau 2. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Ah mais moi j'ai tout compris, hein, ça y est. Hein. Moi j'ai maintenant. C'est super dur à faire comprendre à des gens qui baignent pas dedans. Moi je veux dire, j'en ai parlé pendant des heures. Tu dis que tu prends une échelle. Tu ouais. la scies au milieu des barreaux. Ouais, d'accord. Tu prends une moitié. Ouais, voilà. Et tu la retournes, c'est-à-dire ce qui était en haut devient en bas, d'accord. Ce qui est en bas devient haut, et tu décales d'un barreau. Bah ça, c'est ton brin d'ADN. Ouais, bah comme les morceaux de musique, quoi. Voilà, c'est juste que t'as des extrémités qui sont telles bêches, qui sont toutes seules. Un petit peu d'art, tu vois. Non mais franchement, je vais t'appeler André Manoukian, je te jure, non, tu m'as fait flipper. Non mais ça, c'est... Hein. Putain, mais ça, c'est les mathématiciens. Hein. Comment faire compliqué quand on peut faire simple? Non, mais vraiment. Mais attends, mais alors là, tu m'as impressionné. Moi, j'ai trouvé ça hyper parlant. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, j'espère qu'avec toutes les explications, le coup de l'échelle de Billy, mes petites notes pour ceux qui sont qui ont un cerveau comme le mien et autre chose, je sais pas, voilà. J'espère que non, tout le monde Robin, a compris. Non, mais Robin, on t'adore hein, quand même. Donc, le fait est que du coup, ce qui est très clair, c'est que quand l'ADN se casse, il peut pas se recoller à l'envers. Parce que ça mettrait les deux brins tout seuls bout à bout. Et il ne peut même pas se recoller à un autre endroit parce que du coup, les deux brins tout seuls, eh ben, ils ne peuvent pas se recoller avec un autre parce que ça ne se reconnaît pas. Donc, voilà. Et donc du coup, on ne peut pas avoir un nombre impair de demi-tour. Donc quand on coupe en deux au milieu, on ne peut pas avoir un seul morceau. Ça, ouf, c'est bien. En revanche, il y a quand même un problème, même s'il y a des demi-tours. Parce que si vous faites des demi-tours, donc là, on peut reprendre une bande de papier. Et avant de coller, donc quand on fait juste un cylindre, on est d'accord, il n'y a aucun problème, je fais un cylindre, je coupe en deux au milieu dans le sens de la longueur, j'ai deux cylindres qui se séparent très bien l'un de l'autre. En revanche, si je fais un tour complet, donc j'ai fait un tour complet puisque quand l'ADN se décolle, on ne peut pas faire des demi-tours. Donc j'ai fait un tour complet, j'étais sage, tout ça. Il y a une torsion du coup sur la bande de papier. Et ben repensez à ce que je vous ai raconté avec les tresses qui donnent des nœuds. Si ça veut dire que les bords de cette bande de papier, c'est deux fils qui se croisent deux fois et qu'on recolle bout à bout, et ben ils sont attachés l'un à l'autre. Ça veut dire que si vous prenez cette bande de papier à laquelle vous avez fait faire un demi-tour avant de recoller le début à la fin, et que vous coupez au milieu, vous vous retrouvez bien avec deux bandes de papier, mais elles sont attachées l'une à l'autre. Il y a deux croisements qui les attachent. Ah d'accord, ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Et ça, c'est juste, il y a un tour, mais une bactérie, un ADN de bactérie, il y a plein de tours. Il y a plein de tours. Et chaque tour, ça fait une attache de plus. Donc en fait, au moment, même si on imaginait qu'il n'y avait pas eu de nœud, etc., le fait que ça soit un truc fermé, c'est la catastrophe, parce qu'à chaque tour, ça fait un croisement à casser, deux croisements à casser, enfin un croisement à casser, ça suffit, pour que les deux morceaux d'ADN puissent partir chacun de son côté. Et donc là, l'enzyme qui permet au truc de se couper et de se couper bien, si vous lui enlevez, la bactérie, elle crève tout de suite. D'où le fait qu'effectivement, il y ait des antibiotiques et des poisons qui fonctionnent comme ça. Ah, c'est cool, ouais. C'est ce que j'avais raconté comme application. Et donc là, on n'est plus sur les nœuds, on est sur les entrelacs. Parce qu'effectivement, les deux morceaux, ils sont bien, c'est pas des nœuds. Et puis, chacun, c'est un truc, juste une courbe fermée. Mais ça fait un entrelac puisqu'ils sont emmêlés extrêmement. Et ça, c'est un truc, les entrelacs, on peut voir quand on commence à faire les entrelacs. On prend juste, on se dit, tiens, je vais commencer par les trucs simples. Je prends juste deux ficelles et puis j'essaie de voir comment je peux les attacher l'une à l'autre. Et c'est une catastrophe. Il y a un nombre infini de les attacher l'une à l'autre, en fait. Parce que justement, on peut faire ces tresses qui bouclent. On peut en faire avec autant de croisements qu'on veut. Et il y a même d'autres façons de faire encore plus compliquées. Donc voilà l'application que je voulais dire. Et donc pour tuer une bactérie, vous lui envoyez soit des trucs qui coupent tout droit au lieu de couper en escalier, soit des trucs qui empêchent de couper, et elle est morte hyper rapidement. Le problème, c'est qu'effectivement, ça peut tuer nos cellules aussi, parce que nous aussi, on a besoin de ces machins-là. Et oui. Voilà, sinon, ouais. Théorie des tresses, ça peut avoir des applications. Ça, quand même, il faut que je le dise. Pour les gens qui sont soucieux de vraies applications, des vrais domaines vraiment pratiques. Attention, une vraie application dans un vrai domaine pratique, vous êtes prêts, vous tenez là, ça a une application dans le jonglage. C'est parce vrai. Parce qu'avec les tresses, on peut décrire des figures de jonglage. Mais ça sert à quoi de décrire des figures de jonglage? Ah bah si, ça, si. Ah bah non, mais alors voilà, moi, tout de suite, ça, madame, franchement, faire du jonglage, si ça sert à rien. Faire du jonglage, ça sert, mais décrire les figures de jonglage, ben, ça sert à quoi? De mieux comprendre ce qu'on fait et d'éventuellement inventer des nouvelles figures. Ouais, parce qu'en fait, pour vous dire comment ça peut servir, tout bêtement, vous pensez, si on suit la trajectoire d'une balle, elle change de main. Donc on peut dire qu'on attache un fil à chacune des balles, et quand on est en train de jongler, en fait, on est en train de fabriquer une tresse, quoi. Vous voyez l'idée ou pas? Quand tu changes de main, ça veut dire... En gros, imaginez tout bêtement, on fait un truc très simple. On a vous avez des balles dans vos mains, sauf qu'à chaque balle, vous attachez une ficelle. Okay, ouais. Il y a quelqu'un qui tient les ficelles de l'autre côté, et vous jonglez. Et quand vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de faire une tresse. C'est quelqu'un d'autre qui tient les ficelles, ok. Il y a quelqu'un qui tient les ficelles sans y toucher, ouais. Vous jonglez, ça fait une tresse. Et donc, en fait, chaque figure va correspondre à une tresse. Ah, d'accord. Donc, en fait, la théorie des tresses peut éventuellement aider à mieux comprendre comment on fait du jonglage, éventuellement aider. Il y a plein de maths, ça aussi, mais ça, je ne peux pas en faire une émission, parce qu'il ne faut pas déconner, je ne peux pas faire une émission sur le jonglage de radio, sans images, vraiment. Mais j'en ai parlé vite fait dans mon bouquin, mais ça tu pourras t'aider avec ton piano. Ouais, c'est ça. Alors, franchement, hein, franchement, je trouve ça bas, quoi. J'essaye de faire des trucs pour aider et tout. Et... Non, mais c'était, j'ai trouvé ça mignon, cool, mais attends, j'ai le droit de me foutre de ta gueule aussi. Alors, mais la musique, tout ça, Billy, ça lui parle pas. Elle veut des échelles, des trucs, tu vois. Ouais, attends, sérieusement, j'ai rien. Du concret, hein. Voilà. Attends, bon. La musique aussi. Eh, vous avez compris la DN avec ça, les mecs? Ah, j'aimerais bien voir la gueule de mes cinquièmes, moi, si je leur expliquais comme ça. Mais on sait jamais, on sait jamais. Tu sais, tous les cerveaux ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. La prochaine fois, j'explique avec tous moi, les détails de couleurs. Putain, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit que si moi, je trouvais que c'était super clair, il y aurait peut-être au moins une autre personne que ça aiderait à comprendre, tu vois. Mais moi, j'ai pas l'oreille musicale, donc c'est un peu dur, quoi. Bon, bah, pardon, j'aurais pas dû. Non, c'était bien. Non, attends, on s'est bien marré quand même. En plus, tu développes des techniques d'enseignement de la biologie pour les écoles de musique, c'est parfait. Ouais. Bon, hey, t'as vu, il y a même Brusicor qui m'a fait qui m'a trouvé une image spéciale dédicace pour moi, là. C'est hyper beau. C'est pas beau. Alors. Bon, bah voilà, bah, j'ai fini. Donc, j'ai parlé en gros de d'où ça venait et de pourquoi finalement d'où ça venait, ça servait à rien. Et puis, j'ai expliqué vaguement que je savais que ça pouvait servir en physique. Et puis, j'ai vraiment développé la bio. Et puis, bah, pour le reste, je sais pas s'il y a 15 000 autres applications, mais ce qui est très clair, c'est que ça s'applique d'une certaine manière. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais ça s'applique d'une certaine manière en maths, parce qu'à partir du moment où ça se retrouve au carrefour de plusieurs disciplines, ça veut dire que quand on comprend quelque chose dans un domaine, on comprend dans un domaine qui est lié. Et je vous ai dit, ça c'est vraiment un truc qui a beaucoup été fait, et notamment les systèmes dynamiques. Donc là, les trucs que je vous disais, là, les systèmes dynamiques, c'est j'en avais parlé pas mal pour la théorie du chaos. C'est en gros, on étudie un système en mouvement, quoi. Ça peut être une balle de billard qui rebondit, ça peut être l'eau qui coule, ça peut être etc., etc. Et là, je vous ai dit, finalement, il peut y avoir des histoires de tourbillons ou de choses comme ça. Et donc là, il y a aussi ça aussi, je suis tombé sur un article là-dessus où il y a des physiciens qui, justement, en partant du tout début de l'histoire que je vous ai racontée, c'est-à-dire le résultat de Helmholtz sur le fait que dans un fluide non compressible, machin, tout ça, si on commence à avoir un tourbillon qui s'enroule autour d'un l'équivalent d'un nœud, quoi, ça pouvait pas changer de nœud. Et donc, en fait, ces physiciens-là, ils font des études où ils font apparaître des tourbillons en forme de nœud dans l'eau. C'est magnifique, il y a des images, je vais mettre le lien de l'article. Et en fait, c'est sur Images des Maths, et il y a... Donc en fait, ils prennent un nœud de trèfle, par exemple, un nœud de trèfle, ils le font en relief, et ils font une forme, ils le font en forme de genre aile d'avion, quoi. Et donc ils le mettent dans l'eau, et ils le baissent très brutalement. Et donc tout, ça fait une dépression, et donc vous avez un tourbillon qui apparaît, qui a exactement la forme du nœud de trèfle. Et donc ces physiciens-là, ils étudient comment cette forme varie. Et en fait, vu que l'eau, justement, elle est compressible et qu'elle est visqueuse, eh ben, le résultat de Helmholtz, il tient plus. Mais pour autant, je ne sais pas exactement ce qu'on sait faire en physique sur ce genre de sujet ou pas, mais je crois qu'on ne sait pas tout. Et donc, entre autres, ils essayent de mieux comprendre comment ça se passe dans des fluides avec ce genre d'expérience. Donc, ça a aussi des applications en système dynamique. Voilà. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a des applications, même si, quand les mathématiciens vont trop loin, il n'y aura évidemment jamais d'application. Enfin, faut se méfier hein, quand je dis évidemment, parce que il y a des choses quand même surpris. Hein. Voilà. J'ai appris plein de trucs ce soir. Merveilleux. Ouais. Moi aussi. T'as appris à mieux expliquer l'ADN que ce que tu faisais jusqu'avant. Bah, il faut encore que j'apprenne à jouer du piano, c'est bien Robin, mais enfin, je pense que sur ces notes-là, ça devrait aller. Pour le coup, j'ai plutôt assez mal joué. J'ai fait ça hyper vite parce que j'ai pensé à ça hier soir tard et que. Voilà. Ça m'étonne, tu vois, que t'avais pas fumé un petit truc aussi hier soir tard. Un petit coup, non? Non! Moi, j'arrête. Même pas. Nette mauvaise langue. Voilà, bah, je sais pas s'il y a des questions. J'en ai pas vu. Non, mais ouais, parce qu'on a pas mal discuté en même temps, donc. Non, je crois que c'est assez clair. T'as mis des nœuds dans le cerveau de tout le monde, c'est bien. Ah non, mais j'ai trouvé que. Oui, des fois, je prépare des trucs la veille. Ça va. Ah ouais, mais ça, c'est plutôt quand t'es en avance, parce que là, ton dossier, tu l'as fini 20 minutes avant. Non, mais j'avais globalement tous mes jeux. Enfin bon, bref. Et le problème, c'est que là, j'ai tout, mais à la main, quoi. Il y a Brunier qui hallucine que tu prépares la veille. C'est pour ça que c'est à lui que je répondais. Non, mais ouais, il me manquait un peu des trucs. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir un tout petit peu expliquer... le truc avec la physique quantique là, mais là pour le coup vraiment je pense que j'en avais encore pour vraiment longtemps parce que ça, c'est un domaine que je connais très mal. Donc, alors que l'ADN, l'avantage, c'est que bon, la base de l'ADN, je connais quand même un peu. Et j'ai eu la chance de tomber. Il y a deux vidéos de Numberphile sur le sujet qui sont vraiment très chouettes. Donc la chaîne Numberphile, pour les gens qui ne connaissent pas encore, ok, c'est en anglais. Il faut absolument qu'on arrive à traduire ça, mais massivement, ils font des vidéos extraordinaires. Donc il y a deux vidéos d'une nana dont c'est le métier qui travaille là-dessus et qui explique en quoi la théorie des nœuds peut l'intéresser, alors que c'est vraiment une biologiste. Et il se trouve aussi que bon, dans mes collègues au Palais de la Découverte, il y en a pas mal avec qui je m'entends bien qui sont biologistes. Et donc j'ai pu leur en parler, leur poser des questions pour savoir si ce que j'avais dans la tête c'était pas trop faux, tout ça, si je racontais n'importe quoi ou si c'était vrai. Et en fait j'ai carrément eu la chance d'avoir, il y a eu un doctorant qui est passé un jour où j'étais vraiment en train d'y réfléchir et qui était vraiment pas mal spécialisé dans le domaine, quoi. Et en fait le truc qu'il me dit c'est que ouais, peut-être ça va vraiment leur servir, mais on en est qu'au tout début, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont vraiment complètement paumés encore, les biologistes qui bossent là-dessus. Parce que arriver à comprendre comment, juste en coupant, en changeant les intersections de dessus-dessous à dessous-dessus, on arrive à démêler un tel sac de nœuds, c'est assez incroyable, quoi. Et encore, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait des bouts d'ADN à une hélice, pas une double hélice, mais une hélice quadruple. Non. Si, ça existe. Oh. Mais c'est horrible. Là, hein. Je pense que heureusement que je n'en ai pas parlé avant parce que tu nous as. Ah ouais, non, j'en aurais plus dormi là. Ouais. Et bah, c'est une tresse à 4 brins, quoi. T'imagines, une tresse à 2 brins, comment c'est compliqué. Oh là là. Oh. Bah, tu regardes. Je n'ai pas imaginé à quoi ça ressemble. C'est l'image que tu as postée là. Moi, j'ai rien posté du tout, je ne sais même pas comment faire. Bon. D'accord. Ça s'appelle les G quadruplex. J'adore le dessin de Pouillot, j'avais pas vu, merci Pouillot, j'adore. Pouillot est au top. Bon, mais on est d'accord que ce nœud-là, en réalité, c'est le nœud trivial, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est génial. On conclut les amis ou il y avait d'autres choses? Bah oui, moi j'ai... Enfin, on a une côte d'abord. Oui, bien sûr, il y a une côte, je ferai mieux la prochaine fois. J'aurais bien aimé en faire plus. J'en ai ajouté une. On a une côte de Johan, ouais. Tu veux la dire, Johan? Je peux la dire si tu veux. Donc, c'est un proverbe indien qui dit: ne coupe pas les ficelles quand tu pourrais défaire les nœuds. Ça, c'est une super côte. Ah ouais. Mais en l'occurrence, tu peux pas, donc couplet. Merci, Robin. C'est pour la poésie. Ok, bah écoute, si plus personne n'a rien à dire, je vous propose de conclure, parce qu'il commence à se faire tard, mine de rien. Bon, j'aimerais faire un gros, j'ai le droit de faire une grosse spéciale dédicace remerciement à ma fille qui s'est jamais couchée aussi tôt qu'aujourd'hui. Oh. Et qui sort depuis le début de l'émission, quoi. Je me demandais où était Bozo. Et oui. Non, mais le miracle, quoi. Le miracle. Aujourd'hui, elle s'est endormie. Et donc, maintenant, vous savez que les nœuds servent à quelque chose, donc vous pouvez répandre la bonne parole, comme d'habitude, parler de nous un peu partout, sur podcastscience.fm, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Facebook, sur Google+, qui renaît doucement de ses cendres, c'est beau, c'est émouvant, sur Twitter, envoyez-nous des messages toujours plus étonnants. On n'a pas parlé du quiz, tiens, je vais le répéter du coup une dernière fois. Est-ce que la bière après le sport, ça aide à récupérer info ou intox? Donc vous pouvez, pareil, nous envoyer des propositions sur un peu tous les médias dont j'ai parlé là. Et on a complètement oublié le pitch, donc en fait je vais couper ma conclusion. J'aurais dû suivre le conducteur. On parle vite fait du pitch de la semaine prochaine peut-être, et c'est Irène en plus, toi qui nous fais un épisode sur les histoires de plantes. Oui, c'est moi. Alors en fait, puisqu'il faut que je fasse un pitch, je vais le faire. C'est en écoutant Topo que l'idée de faire ce podcast m'est venue, quand on parlait des virus et de l'arbre du vivant et de comment les virus ont évolué, et en fait c'est un gros sac de nœuds. Alors ça, c'était puissant. Donc c'est une belle transition, vous voyez, le sac de nœuds avec l'épisode suivant. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un podcast sur les plantes. Une histoire des plantes, une histoire. J'ai un peu peur du mot évolution parce que ça engendre des réactions épidermiques chez les gens qui sont des puristes de l'évolution, ce que je comprends très bien parce que c'est compliqué en fait. Alors on va appeler ça plutôt une histoire des plantes, d'où elles viennent, comment elles sont apparues sur la Terre et comment, sous forme de quoi et comment on en est arrivé à la diversité biologique des plantes aujourd'hui. Voilà, ça sera le podcast de la semaine prochaine. Ok. Bah, merveilleux, moi je suis curieux de savoir ça, parce que comme d'habitude sur l'évolution, je n'y connais rien et donc j'ai plein d'a priori qui sont complètement faux. Donc c'est toujours très intéressant d'en apprendre plus. Et j'avoue que les plantes, j'ai vu que tu commençais à te faire rattraper par Pierre qui te faisait préciser et compagnie, donc ça va être assez intéressant. Je suis sûr qu'il sera pas loin dans le coin quand on en Oui, parlera. non, il m'a bien, en fait, Pourquoi il m'a bien sauvé, parce que j'allais dire des bêtises, et pour me défendre, c'est incroyable les ouvrages de vulgarisation, du moins ceux que j'ai vraiment lu beaucoup de bouquins, parce que c'est compliqué, et il y a des ouvrages de vulgarisation qui prennent des raccourcis tellement simplificateur qu'on en arrive à dire des bêtises, en fait. Et j'ai commencé à dire des choses qui sont, d'un point de vue biologique, fausses. Et heureusement, Topo était là pour redresser la barre. C'est bien. Super. Cette fois-ci, on ouais, conclut pour ouais, Dorian. Cool. De toute ou, façon, tout ce qui touche à l'évolution, c'est fou. Ouais, oui, c'est fou. C'est incroyable. Du coup, tu peux ajouter le quiz, là? Le quiz, j'en ai parlé tout à l'heure, du coup... Je croyais que tu refaisais toute l'intro, bah, la conclusion. Fou. Ça va être le bordel à monter, c'est parfait, un épisode sur les nœuds, quoi, dans les règles de l'art. Donc, le quiz du mois, c'est la bière après le sport, ça aide à récupérer info ou intox. Vous pouvez participer en nous envoyant des messages un peu partout, sur tous les réseaux, donc par mail, par Twitter, par Facebook, par podcastscience.fm. Vous ne chargez pas de faire une réponse complète scientifique, envoyez-nous tout ce que vous voulez, des anecdotes, des pensées, tout ce qui vous paraît sur le sujet, des vidéos, j'en sais rien. Nous, on se charge de faire la réponse sérieuse. Voilà, voilà. Et cette fois-ci, je crois qu'on peut conclure. Très bien. Et donc, je disais que on sait maintenant que les nœuds servent à quelque chose, donc il vous reste plus qu'à répandre la bonne parole sur tous les réseaux de l'Internet mondial, de SoundCloud, Facebook, Twitter, podcastscience.fm, YouTube, iTunes aussi. Il faut nous mettre des notes sur iTunes, il paraît que ça existe encore. Google Plus aussi qui renaît de ses cendres, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler l'évolution des plantes avec Irène. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Au revoir tout le monde.